Vous allez entendre Jocelyn Thibault qui parle du 25e anniversaire de la fermeture du Forum. Donc, Jocelyn Thibault qui était devant le filet du Canadien lors du match du 16 mars 1996. Il manque environ une minute à l'entrevue. C'est pour ça que j'interviens avant le début de l'entrevue. Donc, on écoute mon entretien avec Jocelyn Thibault. Cette année-là, donc, ça faisait pas quand même très longtemps que j'étais membre du Canadien, mais il y avait eu, finalement, c'était la saison d'adieu là, du Forum. Donc, toute l'année, je me souviens des billets des matchs, les billets de saison des matchs avaient une connotation particulière, avaient des photos d'anciens joueurs sur chaque match. Il y avait vraiment un build-up intéressant là, ou très, très bien fait pour la dernière année du Forum. Puis, quand on est arrivé à ce match-là, on sentait que c'était un match bien spécial pour tout le monde. OK. Est-ce que dans ce temps-là aussi, c'était contre les Stars de Dallas également, belle victoire de 4-1. Le jour même, déjà, j'imagine que plus ça allait durant le match, plus on sentait. J'écoutais Guy Carbonneau hier qui disait qu'il ne savait même pas du tout à quoi ça allait ressembler les festivités. Oui, mais possiblement que l'équipe adverse était moins au courant. Ouais. Là, évidemment, Guy jouait pour Dallas. De notre côté, on avait été quand même briefé. Là, évidemment, on avait été informé de la façon que les choses allaient se passer. Mais c'est sûr que quand tu ne l'as pas vécu, là, quand ça a commencé, évidemment que le match a été le fun. On a gagné le match, c'était un beau match. Et puis par la suite, quand les anciens ont commencé à défiler sur la glace, puis évidemment avec la présentation et l'ovation de Maurice Richard, ça a amené la cérémonie à un autre niveau. Donc, même si tu sais le script, là, même si tu sais ce qui va se passer durant la soirée, quand tu le vis, tu es dedans, là, les émotions qui passent, c'est un autre niveau. Toi, tu es un Québécois, donc tu sais, tu n'as entendu parler, jouer pour le Canadien, c'était quelque chose. Mais c'était quoi les autres, les réactions des Vladimir Malakhov, tu avais des Martin Ozinski, André Kovalenko, Malakhov, tu en avais plein là, de joueurs. Eux ne devaient pas être touchés de la même façon. Ben, peut-être pas de la même façon, mais je te dirais, la grande majorité des joueurs étaient touchés par ça, parce que tu sais, je vais donner un exemple, tu sais, même si tu ne grandis pas dans la région de Montréal ou tu ne grandis pas comme un partisan du Canadien, tu sais, j'ai joué dans le vieux Garden à Boston, j'ai participé à la fermeture du Maple Leaf Gardens à Toronto, j'ai joué dans le Chicago Stadium, j'ai joué dans les vieux arénas mythiques, puis même si je n'étais pas des partisans de ces équipes-là quand j'étais jeune, ça reste spécial de jouer soit le dernier match ou de jouer dans les derniers matchs là, qui ont lieu dans ces amphithéâtres-là. Fait que même si, comme je te dis, c'est sûr que nous, les Québécois, ça avait une signification particulière pour nous, je ne pense pas qu'il y ait aucun joueur qui est insensible à ce match-là, même si on peut parler des joueurs européens ou du Canada anglais ou des États-Unis, tout le monde était... Ça revêtait quand même de quoi spécial pour tout le monde. Hier, Patrice Brisebois également était au 98.5. Hier, Patrice disait, écoute, on rencontrait des Jean Béliveau, on rencontrait lors de cette soirée-là. C'est là que tu ne peux pas être indifférent. T'sais. Il était tout là, cette soirée-là. Là. T'avais rappelle-toi aussi de la cérémonie du flambeau. Ça passait même de Émile Bouchard jusqu'à Pierre Turgeon. C'est là que tu vois comment le Canadien, c'était une grande organisation. Là. Bien, tu as tout à fait raison. Puis moi, c'est une des choses que je retiens le plus de cette soirée-là, c'est que j'ai eu la chance justement de voir ces légendes-là puis de faire partie de cette cérémonie-là avant que ces légendes-là meurent ou ne soient plus ouais. avec nous. Parce que tu regardes, bon, évidemment, là, Maurice Richard, Henri Richard, Jean Béliveau, tu parlais de... Émile Bouchard, l'ancien gardien de but de l'époque. La grande majorité de ces joueurs-là, de ces légendes-là, est encore en vie à ce moment-là. Donc, effectivement, Patrice avait raison. En tout cas, bon, pour moi, c'est un des éléments que je retiens encore, qui me marque encore, c'est d'avoir pu partager cet événement-là avec ces légendes-là qui étaient encore vivants. Et le clou vraiment de ce cercueil-là, après ça, on va parler de l'ouverture du Centre Molson, qui est aujourd'hui le Centre Bell, là. Le clou, c'est Maurice Richard. Hey, ça fait 25 ans qu'on en parle encore de cette ovation-là. C'est probablement de mémoire, là, la plus grosse ovation. Moi, c'est 48 ans. Là. Je ne me rappelle plus d'avoir vu une ovation monstre comme ça dans le monde du sport au Québec. Là. Et même, tu sais. Tu as raison. Puis, tu sais, évidemment que moi, Maurice Richard, je ne l'ai pas connu comme Ouais, joueur. Je n'ai ouais. pas suivi sa carrière. Je n'ai pas été, comment je pourrais dire ça, je n'ai pas vibré par les buts ou par ce qu'il représentait. Évidemment, on n'était pas au monde, mais tu sais, pour avoir, tu sais, évidemment, lu sa carrière, avoir justement visionné le film de sa carrière ou de sa vie par la suite à quelques reprises, c'est là que tu réalises, OK, bon, l'impact que cette personne-là, que ce joueur-là a eu, non seulement sur l'organisation, mais sur la société québécoise. Tu sais, on l'a senti. Je pense que comme jeunes, on a compris bien les choses ce soir-là, où on a attaché peut-être quelques ficelles plus tard là, en visionnant des films ou des émissions par rapport à lui. Mais effectivement, ça a été. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitaient être présents ce soir-là pour lui rendre cet hommage-là. Puis il y a d'autres joueurs, hein, à Guy Lafleur ou à Jean Béliveau, à d'autres joueurs, mais tu sentais vraiment là, que cette ovation-là, c'était pas fake. C'était vraiment un gros merci de beaucoup, beaucoup de gens qui ont vibré puis ont été touchés par ce qu'il a fait, On ce monsieur-là. levait après ça, 4 ans C'était après vraiment ça. spécial. Ouais, c'était vraiment spécial. Alors, on levait à sa mort, quand même, Maurice Richard, en 2000. Maurice Richard est décédé en 2000, encore une fois, comme c'était quelque chose de grand. Arrivé après ça, le Centre Molson, c'était le 16 mars que le Centre Molson a ouvert, match contre les Rangers de New York. Les jours après, il y avait eu des festivités. Je me rappelle très bien, il y avait eu une parade de vedettes. Ça avait été une semaine de festivités, en fait, là. Je me rappelle, les fanions du Centre Bell, du Forum avaient été déménagés, les vedettes aussi. Vous autres, comme joueurs, d'ouvrir un nouveau forum, c'était quoi? À l'époque, c'était moderne, là. Je Ouais, pense que écoute. c'était une des amphithéâtres les plus Ouais. modernes, parce qu'on était dans l'époque où les arénas, il y avait des nouvelles arénas poussaient comme des champignons, là. Ouais, exactement. C'est un bon point. Puis, un peu à l'image de l'organisation au complet, je pense que c'était un des plus beaux nouveaux amphithéâtres. Tu sais, c'est un amphithéâtre. Il y avait dans la foulée des nouveaux amphithéâtres, il y en avait des plus beaux d'autres, c'est sûr. Puis, je te dirais que le Centre Molson, à l'époque, un peu comme le United Center à Chicago, c'était vraiment les arénas, non seulement des arénas modernes, mais de très, très grosses, très, très grandes qualités, là, vraiment. C'était pas des arénas cheap, là. Donc, Non. évidemment que autant qu'on voulait pas gâcher la finalité des activités au forum, on voulait réussir aussi notre entrée au Centre Molson. On a joué un bon match contre les Rangers à l'époque. Et puis oui, l'organisation avait fait ça en grand. Hein? Elle avait fait ça autant au niveau de la fermeture du forum que l'ouverture du Centre Molson. Les activités et les festivités étaient extraordinaires. Ça avait été fait avec beaucoup de classe, beaucoup de doigté et de façon très, très, très, écoute, je dirais, en détail, là, vraiment détaillé. Puis ça a été très bien réussi de la part de l'organisation. OK. Jocelyn, puisque je sais, je vais parler un petit peu de la Légion majeure du Québec. Pas facile pour les organisations, pas facile pour les joueurs également. En tout cas, pas facile pour les partisans de suivre la Ligue junior du Québec cette année. Tu sais, il y a des matchs en après-midi, des matchs en soirée. Tu sais, on ne sait plus trop. Ça doit être difficile également pour les dirigeants. Ouais, écoute, c'est difficile pour tout le monde, c'est sûr, Ouais. mais tu sais, j'aime autant, je suis de ceux qui regardent les verres à moitié pleins plutôt qu'à moitié vides. Tu sais, tu regardes la situation du hockey au Québec présentement, tellement de jeunes, la grande, grande, grande majorité des jeunes n'ont pas la chance de pratiquer leur sport, que ce soit le hockey ou d'autres sports. Je regarde nos jeunes au niveau du junior majeur, avec les concepts de but, tout ça, sont en mesure à tout le moins de pratiquer et de jouer des matchs de façon compétitive. Donc, je pense que les joueurs le rendent bien aussi. Les joueurs sont. C'est des gros sacrifices aussi pour eux parce qu'on dirait, ouais, ils sont chanceux, ils jouent. Oui, ils sont chanceux, ils jouent. Mais ça fait quand même quelques mois que les joueurs n'ont pas le droit de sortir. C'est pension, aréna, pension, aréna, pension, aréna. Pour les jeunes de 16 à 20 ans, c'est beaucoup de. Pas le droit d'aller à l'épicerie, pas le droit d'aller au dépanneur. C'est des sacrifices qui sont quand même très, très, très grand pour ces joueurs-là. Ils le comprennent, ils le rendent bien, ils sont très, très, très disciplinés. Écoute, nous, l'objectif de la Ligue cette année, c'est d'être en mesure de faire jouer ces jeunes-là, les faire jouer des matchs. C'est pas facile, c'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde, les coachs, les directions, les partisans, les joueurs. Mais en quelque sorte, je pense qu'ils sont chanceux de pouvoir faire leur sport, puis ils le réalisent, puis ils le rendent bien. Comment vous faites pour préparer un repêchage? Puisque vous avez un repêchage à préparer, la Ligue Midget War ne joue pas. Comment vous allez faire pour préparer? Ouais, non. C'est très difficile, j'imagine. Ben, à l'heure actuelle, on ne sait pas. Si on ne sait pas, on souhaite que le gouvernement allège certaines mesures pour un retour au jeu des Ligues Midget 3A et ou d'autres ligues où on peut aller voir les joueurs. Et si oui, bien évidemment qu'on va souhaiter que les activités se prolongent en mai et en juin, pour qu'on puisse à tout le moins avoir la chance de voir ces joueurs-là, puis que ces joueurs-là aient la chance de se faire valoir un petit peu. Écoute, il n'y a pas de doute que le repêchage cette année va avoir sa part de risque, c'est certain. Puis je regarde le repêchage de la Ligue nationale de hockey. Même affaire. Ça va être la même chose. Tu sais, je veux dire, le repêchage de la Ligue nationale de hockey va être beaucoup plus risqué que les autres années parce que c'est déjà très risqué. On veut dire, c'est très, très difficile avec toutes les informations, toutes les matchs que tu peux voir les joueurs dans une année normale, de savoir, de prédire comment ils vont être dans 3, 4, 5 ou 10. Mais cette année, ça va être très, très difficile pour tout le monde. Donc, on va se fier sur plein d'outils, sur les saisons passées au niveau Bantam, sur ce que les entraîneurs vont nous dire, sur les matchs qu'on va pouvoir voir d'ici la fin de la saison, si on est capable d'en voir. Encore une fois, est-ce que ça va des matchs avec contact? Est-ce que ça va des matchs... 4 contre 4, on ne sait pas de quelle forme le hockey va reprendre, s'il reprend. Donc, effectivement, ça va être difficile, mais regarde, on va s'adapter, puis ça va être les mêmes règles que tout le monde. Donc, on va s'adapter. Jocelyn, merci beaucoup. Plaisir de se parler. Bel anniversaire, 25e anniversaire aujourd'hui, puis plaisir de se parler un autre tantôt. Toujours un plaisir. L'ancien gardien but du Canadien de Montréal, Jocelyn Thibault. Merci, Jocelyn. Très intéressant. Merci, puis désolé pour tantôt. Là, non, c'est moi qui. C'est moi. Hey, Jocelyn, j'ai une question. J'ai...